Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Flora Tristan, cousine de Marx et grand-mère du MLF. Pour Flora Tristan, comme pour beaucoup de femmes au XIXe siècle, la vie avait débuté sous le signe du malheur. Bâtarde, déclassée, privée d'éducation, mariée contre son gré à un homme violent et interdite de divorce. Mais Flora Tristan, femme libre et rebelle, paria, comme elle se désigne elle-même, va refuser cette malédiction et s'inventer une autre vie. Bousculant les codes de son époque, cette héritière de la Révolution française et du romantisme appelle à faire sonner enfin le 89 des femmes. Proclamant l'égalité des sexes, Flora Tristan revendique le droit au divorce et même, près de deux siècles avant MeToo, le principe du consentement dans les relations amoureuses. Ce combat n'allant pas sans l'autre, cette féministe avant la lettre se battra aussi jusqu'à sa mort pour l'émancipation de la classe ouvrière. Après le Pérou et les bas-fonds de Londres, cette grande voyageuse n'hésite pas à s'embarquer dans un étonnant tour de France à la rencontre des ouvriers et des ouvrières français pour les appeler à s'unir. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Brigitte Krulig, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université Paris-Nanterre, autrice de nombreux ouvrages sur les courants d'idées au XIXe siècle. Alors, le titre que j'ai donné à cette émission, Flora Tristan, cousine de Marx et grand-mère du MLF, je l'ai trouvé dans votre biographie, donc la biographie de Flora Tristan qui est sortie en janvier 2022. C'est un slogan de quoi? Des années 70? Oui, à peu près. C'est une citation, hein, l'expression n'est pas de moi, mais d'une critique littéraire du Monde, qui avait donc dans ce contexte qui est celui des années post-68, qui avait rendu hommage à la double dimension de Flora Tristan telle qu'elle apparaît dans ces années, qui est d'une part la pionnière du syndicalisme, donc d'une certaine manière une petite cousine de Marx, bien qu'il y ait un certain nombre de différences importantes, et aussi donc une théoricienne, ou en tout cas une apôtre de l'émancipation des femmes. Donc il y a du vrai dans ce slogan. Ah oui, tout à fait. Alors Brigitte Krulig, la vie de Flora Tristan a été très brève, elle meurt à 41 ans, mais quelle vie, quelle œuvre aussi. Pour bien comprendre l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes, qui s'étale sur les 10 dernières années de sa vie, alors pouvez-vous, Brigitte Krulig, nous rappeler d'où vient Flora Tristan, ses origines, sa jeunesse tourmentée et son fameux voyage au Pérou en 1833? Alors Flora Tristan, c'est une femme inclassable de par sa naissance. Elle est issue de, donc elle naît en 1803, donc tout début du 19e siècle, vous avez dit c'est une enfant de la Révolution d'une certaine manière. Elle naît à cheval entre deux classes. Son père est à cheval entre deux cultures, deux pays. Son père est un aristocrate péruvien, issu donc de la classe créole du Pérou, qui il vit en Europe depuis de nombreuses années et il a épousé sans régulariser à l'état civil une jeune femme qui est issue de la toute petite bourgeoisie parisienne. Donc Flora Tristan naît bâtarde parce que, comme je l'ai dit, le mariage n'a pas été régularisé à l'état civil. Donc elle se retrouve dans une situation délicate par rapport à l'ordre social qui est effectivement impitoyable pour les bâtards. Et le malheur va s'acharner sur elle puisque à l'âge de 4 ans, elle perd son père. Et donc elle va se retrouver orpheline, bâtarde, pauvre, ce qui va lourdement peser sur sa destinée. Et Flora Tristan donc se retrouve dans une situation assez surprenante. Elle travaille comme ouvrière. Oui, alors la mère de Flora Tristan donc se retrouve dans une situation financière et d'ailleurs sociale très très difficile, donc après la mort du colonel Tristan, et donc ce qui explique que la petite Flora alors il y a 15 ans, elle commence à travailler. Voilà, on a très peu de sources, hein. Il faut savoir que on est réduit à formuler des hypothèses compte tenu de la manière dont elle écrit, la manière dont elle gagne sa vie, comme vous l'avez dit, très jeune, enfin à peine sortie de l'adolescence, elle travaille comme ouvrière coloriste dans un atelier, et c'est cette pauvreté, alors elle vit avec sa mère dans un des quartiers les plus pauvres du Paris de l'époque, et c'est ce qui peut expliquer que à l'âge de 17 ans, elle épouse le patron de son atelier, alors un mariage effectivement qui va poser le problème quelques années plus tard de ce qu'elle appellera le consentement. C'est-à-dire que vaut le consentement d'une jeune fille de 16 ans ou 17 ans qui a été peu éduquée, dont la mère fait pression et qui n'a d'autres choix que de conclure un mariage qui s'avérera en fait calamiteux. Donc il s'appelle André Chazal et donc voilà. Toute sa vie elle va devoir lutter contre cet homme qui va la harceler. Elle se rend compte assez vite qu'elle a besoin d'une indépendance financière pour pouvoir survivre et ne pas dépendre de ce mari, et elle va partir au Pérou essayer de retrouver la famille de son père. Voilà, elle quitte son mari qui est un homme violent et elle a eu trois enfants avec qui la mère de Gauguin, c'est Aline qui sera la mère de Gauguin, Flora Tristan est la grand-mère de Paul Gauguin, et elle va gagner sa vie, comme vous l'avez dit, en exerçant de nombreux petits métiers et en se cachant du mari. Ça, c'est effectivement une dimension qui est très importante pour expliquer le départ au Pérou. Il y a plusieurs raisons à ce départ, donc en 1833. Tout d'abord, son mari essaye de la faire rentrer à la maison. La loi est de son côté. Elle veut aussi, si elle va au Pérou, c'est que elle veut en quelque sorte effacer, entre guillemets, la tare et l'opprobre de sa naissance. Elle veut se faire reconnaître comme l'héritière d'une famille. Alors, il y a un enjeu qui est à la fois affectif, bien évidemment, mais aussi un enjeu qui est financier, puisqu'elle espère obtenir donc une partie qu'elle juge lui revenir de droit de l'héritage de la famille Tristan, qui est une famille extrêmement prospère du Pérou. Donc elle va y rester un peu plus d'un an, et on va la retrouver donc dans un instant au moment où elle rentre en France sur le bateau qui la ramène en France. Brigitte Krulik, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Flora Tristan, cousine de Marx et grand-mère du MLF, un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Cédric Ossir. L'éblouissante beauté d'un coucher du soleil entre les tropiques. Et ces bandes de marsouins le long du navire. Voilà, je ne reverrai plus jamais le Pérou. Ni cette famille que j'étais venue chercher de si loin. Quel égoïsme froid. Ça se prosterne devant la croix matin et soir, mais son seul dieu, c'est l'argent. Des propriétaires qui se font des fortunes sur le travail des esclaves. Ils sont si maltraités qu'ils en viennent à haïr la vie même. Je reverrai toujours cette esclave mise au cachot parce qu'elle avait laissé son enfant mourir de faim. Elle le préférait mort plutôt qu'esclave. Quel regard elle avait, cette grande âme fière. Tous ces malheureux, comment améliorer leur sort ? La seule chose que j'ai apprise de ce voyage, c'est que l'action politique seule est utile. Je veux entrer dans le mouvement politique, prendre ma part dans le débat public. Ah, j'ai hâte d'embrasser ma fille chérie. Ah, que c'est beau ce coucher de soleil. Le bateau file doucement. Me voici errante sur la terre entre deux immensités, l'eau et le ciel. Comme une paria. Janvier 1835, Flora Tristan regagne la France en bateau. Il y a 2 ans, à 30 ans, elle s'était embarquée à Bordeaux pour le Pérou. Elle allait réclamer sa part de l'héritage de son père, Mariano Tristani Moscoso, un aristocrate fortuné qui, par sa mort prématurée, l'avait laissée dans la misère. Au Pérou, son oncle, en l'absence de contrat de mariage entre les parents de sa nièce, a refusé de lui accorder une rente annuelle et l'a renvoyée à Paris. Dès que Flora arrive en France, elle va chercher sa fille, Aline, 10 ans, placée en pension. Cela fait 10 ans que Flora a quitté son époux, André Chazal. Elle s'installe à Paris, dans le quartier de la Bourse. Depuis la Révolution de 1830, Flora rêve de rencontrer Charles Fourier. Face au bouleversement de l'industrialisation naissante, ce penseur humaniste propose une organisation de la société en phalanstère où vivraient des hommes et des femmes ayant les mêmes droits et vivant de leur travail dans l'harmonie. Ce 18 août 1835, elle s'est décidée à frapper à sa porte, rue Saint-Pierre, au sommet de Montmartre. Plus tard, en sortant de chez lui, elle dévale les escaliers de la butte, enthousiasmée. Quel homme si généreux! Je viens sans m'annoncer et il m'accueille comme s'il me connaissait de toujours. Oh, s'il pouvait avoir besoin de moi pour défendre ses idées, je lui en serais si reconnaissante. Je me sens tellement de force et de vie. Je veux être utile. L'utilité envers ses semblables, voilà ce qui fait la valeur d'un individu. Mais... Oh, c'est Chazal? On m'avait dit qu'il était criblé de dettes et qu'il se cachait à Montmartre pour échapper à la prison. Oh, rien que de le voir me met dans un état d'exaspération. La liberté. Pas vrai, ma femme? Laissez-moi passer. Toujours cette façon de me prendre de haut. Alors comme ça, t'es revenu du Pérou? Et plein aux os, c'est ce qu'on m'a dit. Rien de ce que j'ai ne vous appartient plus. Voyez-vous ça? Détrompe-toi. Il y a une chose que tu as et qui est à moi. Ma fille. C'est ce que le juge m'a dit. Vous voulez votre fille? Prenez-la. Jamais. Alors, j'irai l'enlever à la sortie de l'école. Qu'est-ce que tu dis de ça? Et si tu veux la récupérer, il faudra payer une grosse rançon. Flora Tristano in Moscoso. Je vous ferai arrêter. Le commissaire dit que j'ai tous les droits légaux sur ma fille. Le juge, le commissaire, ils ne savent pas qui vous êtes. Moi, je le sais. Tu dois obéir à la loi. Sorcière péruvienne, je vais me venger de toi. Tu m'as échappé trop longtemps. Arrêtez, lâchez-moi. Et vous tous, arrêtez de me regarder comme ça. C'est ma femme. Tu ne paies rien pour attendre. Je veux ma fille, la loi est pour moi. J'ai fait des recherches, tu sais. Je sais où tu loges. Tu loues sous le nom de ton avocat, rue Chabanais, au 12. Flora déménage précipitamment avec sa fille, rue du Cherche-Midi, chez un couple, ami de son avocat. Elle s'y sent en sécurité et commence à rédiger le récit de son voyage au Pérou, tout en multipliant les contacts politiques. Fourier la recommande auprès de son meilleur disciple, Victor Considerant. Ce polytechnicien, lié d'amitié à tous les poètes romantiques, fonde en juillet 1836 un des premiers journaux socialistes français, La Phalange. Un mois plus tard, Flora se rend dans les bureaux du journal, rue Jacob, à Saint-Germain-des-Prés. Je préfère être franche, Victor. J'ai à vous réprimander. Ah oui? Asseyez-vous, je vous en prie. Un peu d'indulgence, voyons, le journal n'est qu'au cinquième numéro. Et puis, avant de me combattre, faudrait me connaître un peu. Oh, je n'ai pas du tout l'intention de vous combattre. Je viens vous prier de vous faire comprendre de toutes les intelligences. Comment ça? Il y a un certain ton dans votre journal qui semble dire que si on n'a pas fait des mathématiques, de l'astronomie et de la physique à fond, on ne peut rien comprendre à Charles Fourier. Vous sentez bien qu'à ce compte-là, très peu de gens seront intéressés. Oui, c'est un reproche qu'on fait souvent au journal. À mon sens, la science de Fourier est seule capable de fonder le bonheur, mais c'est à chacun de juger. On ne peut faire l'économie de le lire si on veut se persuader que tout est lié d'une attraction passionnée. L'univers, les animaux, les plantes, l'océan et les désirs du cœur humain, il faut prendre ce temps. Du temps, nous n'en avons pas, Victor. Non plus pour faire l'inventaire des mots de la société. Vous dites, le bagne, c'est l'école du crime. Hélas, nous ne le savons que trop. Nous posons des questions, c'est tout. Ce n'est que de la critique sociale, Victor, quand il est urgent d'agir. Pourquoi ne pas présenter un programme qu'on pourrait saisir d'un coup d'œil? Donner des chiffres, il parle aux plus incrédules, des solutions concrètes. Vous verrez accourir des lecteurs sympathisants, je vous le promets. Non, notre premier devoir, c'est d'examiner les conditions dans lesquelles nous allons agir, si on veut que l'action soit efficace. Pardon, Victor, de ma franchise, mais c'est comme si on montrait un médicament à un blessé en lui vantant ses vertus incomparables tout en le laissant agoniser. C'est une première étape, Flora. Analyser les maux de la société, c'est faire désirer une nouvelle organisation sociale qui permette à chacun d'exercer toutes ses forces de vie. Quand beaucoup seront convaincus, alors Nous agirons. Vous sous-estimez l'intelligence des peuples. Elle ne peut se repaître de mots. Une théorie ne se soutient pas longtemps sans pratique. Il faut mettre en œuvre ce que Fourier propose et améliorer le monde. Et s'y mettre tout de suite. Allons, Flora. Flora, vous êtes douée pour la cause sociale. Une intelligence des plus dévouées que je connaisse. Mais vous êtes trop impatiente. Mais croyez-vous que les misérables ne le sont pas ? Tandis que Chazal continue de la harceler, Flora écrit le récit de son voyage qu'elle complète d'études sociales et politiques sur le Pérou. En novembre 1836, la prestigieuse Revue de Paris publie ses textes. Mais le 20 de ce même mois, un commissaire de police vient chercher sa fille et la remet à Chazal. Flora se démène vainement avec son avocat et un soir d'avril, elle reçoit une lettre d'Aline. Sa fille y dénonce les attouchements de son père. Flora porte plainte. Le procès de Chazal, pour attentat à la pudeur avec violence, se solde par un non-lieu. Toutefois, Flora obtient la séparation de corps et la garde de sa fille. Elle emménage alors dans un appartement rue du Bac. Sur la recommandation de Charles Fourier, elle est entrée dans un cercle de femmes de lettres et journalistes, rédactrices de la Gazette des Femmes. Ce journal publie des pétitions réclamant de nouveaux droits civils et politiques pour les femmes. Flora y fait paraître une requête en faveur du rétablissement du divorce. En même temps, son livre sort en librairie sous le titre « Les pérégrinations d'une paria ». Tout cela fait parler d'elle. 9 mois plus tard, le 10 septembre 1838, en fin de journée, Flora est auprès de sa fille Aline, un peu souffrante. « À vous dirai-je, maman ?» Ce qui cause mon tourment, papa veut que je raisonne comme une grande personne. Moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. Il est à peine 6 heures du soir et tu tombes de sommeil, ma pauvre chérie. Dors. Aline a le sommeil si léger depuis... Cet homme a fait notre malheur. Je l'ai épousé sans jamais y consentir. Moi, misérable ouvrière, le patron me tournait autour... Ma mère me pressait de me marier. Est-ce que je pouvais dire non ? Oh, ma fille chérie, je jure de lutter pour que les choses se passent autrement pour toi. Fourier dit qu'on doit mesurer le progrès d'une société sur le degré d'émancipation féminine. Mais les fourieristes, eux-mêmes, chaque mercredi, les voilà fraternellement réunis, bourgeois et ouvriers. C'est beau, la fusion des classes, n'est-ce pas ? Et tout ce joli monde de pères de famille de porter un toast à l'émancipation des femmes. Mais les femmes n'y sont pas admises. Par convenance, dit Considérant. Le 1789 des femmes est encore loin. J'ai beau combattre, je frappe dans le vide et je m'épuise. Je vais descendre acheter de la chandelle, j'ai tellement de lettres à écrire. J'ai toujours peur en sortant de chez moi. Je ne peux pas m'en empêcher. Mais ce ne serait pas lui au coin de la rue ? J'ai le marchand de vin. Chazal vient jusque dans ma rue pour se saouler. À ce regard. Je vais fuir par là, à gauche. Ah mon Dieu, il me suit. Il est à 5 pas derrière moi. Ah, te voilà ! 8 jours que je te guette toute la journée en face de chez toi. Tu le savais ? Au secours ! Au secours ! Ouvrez-moi ! Cet homme a un pistolet ! Je suis blessée ! Justice est faite ! Vous tous, n'ayez pas peur. Vous pouvez blesser personne. Vous inquiétez pas, je m'y connais en pistolet. J'étais garde nationale. La République nous appelle. Sachons vaincre ou sachons mourir. Je suis pas assez lâche pour me tuer. Tiens, le pistolet, je le jette par terre. Ouais, c'est ma femme, j'ai le droit. Une balle a transpercé l'épaule gauche dans la région du cœur, l'autre le poumon. Flora a de forts accès de fièvre et crache le sang. On craint pour sa vie. Alors qu'elle se rétablit, elle rédige une pétition pour demander l'abolition de la peine de mort qu'elle fait imprimer et distribuer aux députés. Aux assises, Chazal est reconnu coupable d'assassinat, avec circonstances atténuantes, et condamné à 20 ans de prison le 1er février 1839. Le lendemain du verdict, Flora reçoit la visite de son ami Louis Evrat. Ce médecin aliéniste compte dans sa clientèle quelques poètes romantiques et des célébrités. Il est également médecin au dispensaire du 10e arrondissement. Les circonstances atténuantes, Louis. La société l'a condamné à regret. J'ai une colère, mais une colère. Il ne faut plus y penser, Flora. Voir ce chacal au procès, après tout le mal qu'il a fait poser en défenseur des maris attaqués par Flora Tristan. Rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais pu divorcer. Les statistiques le prouvent. Les deux tiers des assassinats de femmes ont pour motif la haine du mari abandonné. Votre mésaventure a fait grand bruit. La polémique sur le rétablissement du divorce est relancée, qui sait? La révolution avait donné aux femmes la liberté de divorcer. Les royalistes reviennent, ils l'abolissent. Aucun droit n'est jamais acquis pour les femmes. Aïe. Ah, voilà ce que c'est de vous agiter. Attendez que je vous examine. Inspirez. Expirez. Je comprends votre colère. Chazal n'a aucun remords. Il s'est même servi de votre livre pour vous dénigrer. Je vous avais bien dit de publier sous un nom d'homme. Pour raconter ce que j'ai subi en tant que femme. Louis, voyons. Non, je voulais donner le vrai nom de mes persécuteurs. Mon oncle, mon mari. Toute cette tyrannie invisible qui nous fait douter de nous-mêmes. Les livrer à l'opinion, c'est le seul moyen de se défendre. Flora, il faut passer à autre chose. Le moral a une grande influence sur le physique. J'en suis persuadée. Dites-vous bien que plus mon corps est faible, plus j'ai de force d'âme. Nous sommes des êtres d'action, Louis. J'ai hâte de reprendre la bataille. Bon, qu'est-ce que vous avez décidé pour l'asile de Grenoble? J'hésite. Je me sens plus utile ici au bureau de bienfaisance. Mm-hmm. Au cœur de l'action politique, d'une certaine façon. Si vous voyez toute cette misère. Et que fait le gouvernement? La mangeaille et la valetaille, c'est tout leur souci. Quant au peuple, ces drôles sont bien hardis et gourmands avec ça. Ils osent vouloir manger et avoir un toit. Et le gouvernement ne cesse d'aggraver les choses. Il a décidé d'embellir Paris, c'est bien joli. Mais pour toutes les maisons démolies, combien de pauvres à la rue? Sans parler des malades mentaux, des accidentés du travail. Le plus terrible, ce sont les femmes. C'est qu'elles ont plus de courage. Au Pérou, j'ai vu des indiennes que les soldats prennent à leur service. Elles font tout, chargent les mules, traversent les fleuves à la nage, tout ça avec leurs enfants sur le dos. Une femme n'abdique jamais. Vous voyez, Flora, je vois l'humanité comme un grand corps solidaire. Si les femmes souffrent, c'est toute l'humanité qui souffre. Elles sont la moitié du genre humain. La moitié du genre humain? J'aime beaucoup cette idée. Elle n'est pas de moi. Elle est de mon amie Anna Wheeler. Anna Wheeler? Oui, cette féministe anglaise. Je voulais présenter aux conférences du socialiste anglais. Owen. Avec son compagnon, un économiste, je ne me souviens plus de son nom. Elle a écrit un appel de la moitié du genre humain, les femmes, contre les prétentions de l'autre moitié, les hommes, à les maintenir dans l'esclavage politique, civil et domestique. Vous ne pouvez pas l'avoir oublié. Ça me revient. Vous dites que je dois passer à autre chose, Louis? Eh bien, j'irai bien faire un tour à Londres, moi. Le 10 mai 1839, Flora part pour Londres. Son projet est de se faire grand reporter et de réaliser une enquête sociale. Elle visite une fabrique, un asile d'aliénés, un lieu de prostitution, une prison. Anna Wheeler lui sert de guide. Très vite, des émeutes d'ouvriers éclatent partout dans le pays. Un soir, dans un cabaret borgne d'une ruelle de la City, Flora assiste à une réunion d'ouvriers socialistes qui appellent à la grève générale. De retour à Paris, Flora écrit les promenades dans Londres pour alerter l'opinion. Le livre paraît le 16 mai 1840, quatre éditions se succèdent. Il ne pouvait mieux tomber. Partout en France éclatent des grèves. Dans les filatures, les mines, les ports, le chemin de fer, les ouvriers réclament de ne travailler que 12 heures au lieu de 14, la suppression du travail à la tâche et l'augmentation des salaires. Le mouvement atteint Paris et s'étend à toutes les professions jusqu'à la grève générale. C'est un tournant dans l'histoire ouvrière. En 1843, Flora, dans l'urgence, rédige en 6 semaines un appel aux ouvriers et aux ouvrières à s'unir et à s'organiser. Le 5 avril 1843, elle lance une souscription pour le faire éditer. Eugène Sue, Lamartine, Louis Blanc, Georges Sand, tous participent. 2 mois plus tard, le livre est tiré à 4000 exemplaires. Son titre, L'Union ouvrière. Flora, ma chère amie, l'Union ouvrière, le parti des prolétaires, je trouve cette idée puissante. Vous comprenez enfin qu'on ne peut s'appuyer sur les bourgeois, mais sur la seule force réelle de la société, celle du plus grand nombre. Il faut qu'ils s'unissent, et vite. Vous savez, Victor, ce que Fourier appelle l'anarchie industrielle. En Angleterre, elle est poussée au dernier degré. J'ai vu dans une usine à gaz de pauvres ouvriers en sueur devant d'horribles brasiers qui les consumaient tout vifs. C'est de l'anthropophagie. Je vois. Dans le capitalisme industriel anglais, vous avez vu l'avenir des ouvriers français. L'exploitation dans les pires conditions de travail et la paupérisation. Mais j'ai un doute. Vous croyez vraiment qu'on peut créer un parti sur une idée ? L'Union ? Ce n'est pas une idée, c'est leur intérêt. Enfin, vous l'avez lu, oui ou non ? Et puis c'est une organisation. Les ouvriers et les ouvrières créent des comités dans chaque ville, recueillent les cotisations et ensuite on désigne un défenseur. À ma grande surprise, j'ai lu dans votre livre que vous m'aviez désigné à ce poste, défenseur de la classe ouvrière à l'Assemblée nationale. Vous ne pouviez me faire plus grand honneur. Somme toute, c'est vous qui offrez les meilleures garanties d'efficacité. Vous avez l'oreille du gouvernement. Et comment vous est venue cette idée ? Vous n'avez pas entendu parler de O'Connell ? C'est lui qui défend les droits des Irlandais à la Chambre des communes à Londres. Mais je veux vous parler... Je serai digne de votre confiance. Il vaut mieux pour tout le monde que la classe ouvrière se défende à l'Assemblée plutôt que dans l'émeute. Ah, Flora. Vous avez vraiment toute votre place parmi les socialistes pacifiques et organisateurs. Le raisonnement est simple. Ce qu'on réclame pour le droit, on ne le réclame pas par la force. J'ai vu les émeutes en Angleterre. J'y étais. On n'en tire rien. Ce qu'il faut pour les ouvriers, c'est obtenir des droits imprescriptibles. Le droit de vivre, d'avoir du travail et du pain quand on est vieux ou infirme. Mais j'ai besoin de vous pour autre chose. Que puis-je faire, dites ? Si vous pouviez me prendre un feuilleton, c'est pour tirer la 2e édition. Il me manque 1000 francs. D'accord. Du reste, j'y gagne. Ce que vous écrivez est bien supérieur à ce que je publie habituellement. Ah oui. Et si vous voulez mon avis, c'est une faiblesse de votre journal qui lui fait grand tort. Bon, autre chose. Je veux que mon livre aille droit au fond des casquettes de ceux pour qui je l'ai écrit. Or, la plupart des ouvriers et des ouvrières ont du mal à lire. Voilà ce que j'ai en tête. Pourquoi ne pas aller leur parler moi-même ? Mais vous n'avez pas peur que... Peur de quoi ? De la bêtise ? De l'outrage ? Oh non. Écoutez, je vais aller de ville en ville, l'Union ouvrière à la main. Victor, si dans toute la France les ouvriers s'unissaient, les fabriques, les usines textiles, les mines, la métallurgie, les petits ateliers, vous voyez ça ? Quelle force ! Flora, je suis touchée de votre témérité, mais ce que vous vous imposez est une anomalie dans ce siècle égoïste. Ne dites rien, Victor, j'ai déjà tout décidé. Il faut que je me jette en avant, moi seule peux le faire. Partir comme ça ? Avec tout le monde contre vous ? Les hommes parce que vous demandez l'émancipation des femmes ? Les propriétaires parce que vous réclamez celle des ouvriers ? Victor, je veux leur parler de l'union en humanité, de la fraternité en humanité, et sortir les ouvriers et les ouvrières de cette effroyable misère qui les tue. C'est pour ça qu'en bon frère, vous allez m'aider et faire une propagande d'enfer. Écrivez un article sur mon livre. Enfin, je suis sur le bateau à vapeur. En avant. Je perds Paris de vue, mais je ne sais dire ce qui se passe en moi. Pas de battement de cœur, pas de larmes, juste l'émotion de l'âme. C'est ma mission. Dieu, dans sa bonté, a voulu que je sois un être à part. Et puis j'ai des alliés. Victor m'a fait un article. Grâce à lui, j'aurai la bienveillance de tous les fourriéristes de France. À la bonne heure. Tiens, les mariniers mangent avec leur maître sur la passerelle. Ils se parlent d'égal à égal, tous assis en rond, et partagent un pain, une botte de radis, des œufs. Oh, quelle différence avec les mariniers anglais qui n'osent même pas regarder leur patron. Oh, il faut que je parle avec eux. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Combien de jours dure un voyage? Et l'hiver, c'est le chômage. Comment vivent-ils? Florita, il va falloir tout mener de front. Et ce, jusqu'à tomber de fatigue. 12 avril 1844. Flora est sur le bateau qui va la conduire par la Seine et Lyon jusqu'à Auxerre, première étape de son tour de France. Son objectif est de mettre en place dans chaque ville un comité de l'Union ouvrière. Elle a aussi le projet de rendre compte de l'état de la classe ouvrière française en 1844. Elle veut l'examiner sous tous les aspects, aussi bien moral qu'intellectuel et matériel, accumulant les notes et les chiffres. À Dijon, Chalon-sur-Saône, Mâcon, elle réunit les ouvriers sans éveiller l'enthousiasme. Le 2 mai, à bord d'un vapeur, elle arrive à Lyon, où elle s'installe à l'hôtel. Quelques jours plus tard, elle grimpe les escaliers de la Croix-Rousse, précédée d'un homme qui porte une lanterne. La réunion va avoir lieu dans un atelier. Les métiers à tisser ont été poussés pour accueillir celles et ceux venus écouter Flora Tristan. Un homme est posté en bas pour avertir si jamais la police... Que de monde! Je n'en ai jamais vu autant dans les autres villes, et pas mal de femmes. Je me demande à quoi ils s'attendent. Ah, ils me font signe. Ouvriers, ouvrières, s'il vous plaît, écoutez-moi. Depuis 25 ans, les hommes les plus dévoués ont consacré leur vie à la défense de votre cause. Fourier, Saint-Simon, Robert Owen et tant d'autres. Le jour est venu où c'est à vous, et à vous seul, qu'il appartient d'agir pour votre propre cause. De vous seul, il dépend de sortir de ce dédale de misère et de faim. Isolé, vous êtes faible. Eh bien, sortez de votre isolement. Unissez-vous. Vous avez pour vous le nombre, et le nombre, c'est beaucoup. Votre action à vous... Vous n'en avez qu'une, légale, légitime, avouable devant Dieu et devant les hommes. C'est l'union universelle des ouvriers et des ouvrières. Je viens vous proposer de constituer la classe ouvrière. Oh, ce matin, il faut absolument que je réponde au courrier en retard. Oh, qui ça peut être? La police? Elle aurait eu vent de la réunion d'hier soir? Louis, c'est aujourd'hui que vous deviez arriver. Vous avez oublié? Le voyage depuis Paris est interminable. Comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Épuisé, mais bien. Ah, j'étais si inquiet. Racontez-moi, comment ça se passe ici? Un miracle, Louis. Ils ont compris, ils veulent s'organiser. C'est la première fois que ça arrive. Il y a un potentiel extraordinaire ici. Lyon est une grande ville du prolétariat. Mais vous semblez agitée. Oh, un mois que je suis en route, je ne sais plus où j'en suis. Je vis trop et trop de vie tue la vie. Oh, cher Louis, je suis si contente de vous voir. Mais est-ce que vous me voyez vraiment, Flora? Je me trompe, vous... Vous semblez ailleurs. C'est que je suis bouleversée par ce qui s'est passé hier soir. Quelle ardeur ils ont tous! L'union ouvrière, unissez-vous, prenez votre sort en main, ça leur parle. Bon, et vous, dites-moi, alors, comme ça, vous avez accepté? Oui. Je suis nommé officiellement directeur de l'hospice d'Aliéné Saint-Robert, à 10 km de Grenoble. Je prends mon poste demain avec la ferme intention de me battre pour tout changer. Oh, Louis, il y a tant à faire. Tiens, l'hôtel Dieu ici à Lyon... Des prolétaires qui ont donné leur jeunesse et leur santé 16 heures par jour aux chefs d'industrie. Tout juste s'ils ont un lit pour crever, entassés comme des ballots dans un magasin. 1500 dans une salle. C'est le même problème partout. À Saint-Robert, tous les aliénés sont jetés pêle-mêle dans une salle. Chaque maladie devrait avoir un bâtiment spécial. Je suis convaincu que l'architecture peut être un puissant instrument de guérison. De l'espace, de l'air, de la lumière. Ah oui, c'est exactement comme ça que je vois les palais de l'Union ouvrière. Des ateliers, des gymnases, une ferme, une maison pour les ouvriers infirmes et les vétérans du travail. Et une école pleine de soleil où éduquer les enfants. En faire des hommes et des femmes rationnels. L'architecte devra toujours avoir à l'esprit que dans son bâtiment, chaque enfant doit apprendre la passion du beau et devenir un artisan artiste. C'est important, c'est si imp... Flora... Flora, ça ne va pas ? C'est un petit vertige. Oh mon Dieu, cette Florita qui ne tient jamais compte de son corps. Je suis comme ça, Louis. Vous avez mangé quelque chose ? Oui, oui, oui. Vous entendez ? Si, si, si, écoutez. La police a loué la chambre à côté. Ils m'espionnent, quelle saleté ! Rentrez à Paris, ça va mal finir. Quoi ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Je ne prêche pas la révolte. Flora, vous tomberez brisée. Un tour de France. Quelle idée ! Ce sera au-dessus des forces de n'importe qui et vous, vous avez été blessée par balle. Il faut vous ménager. Oh, il y a tellement de gens à convaincre, Louis. Tiens, ce matin, à 5h, des femmes voulaient me parler avant d'aller à la filature. J'ai démontré que la politique entre jusque dans leur pot-au-feu et elles l'ont très bien compris. Vous voyez comme c'est utile. Oui, mais je m'inquiète. Cette agitation... Ses mains fiévreuses. Et vous êtes seule. Être seule, c'est vivre la vie de tous, Louis. Qu'y a-t-il de plus heureux ? La police ? Ils viennent, non ? Oh, Louis, cher ami, s'il m'arrivait quelque chose, je vous en prie, prenez soin de ma fille Aline. Trois jours plus tard, le commissaire de police saisit les papiers de Flora Tristan dans sa chambre d'hôtel. Accusée d'association non autorisée, elle comparaît le 14 mai et risque d'être expulsée de Lyon. Faute de preuves, un non-lieu est prononcé. Elle reprend les réunions où les ouvriers affluent. À longueur de journée, elle monte les escaliers de la Croix-Rousse, visite ateliers et usines. L'Union ouvrière se met à agiter les esprits. Flora a un visage de plus en plus fatigué, les yeux enfoncés, les joues creuses. En juin 1844, la troisième édition de l'Union ouvrière est imprimée à 10 000 exemplaires. Au total, l'ouvrage se vendra à 24 000 exemplaires. Au cours d'une réunion, Flora a rencontré une jeune blanchisseuse, Éléonore Blanc. Elles ont rendez-vous au lavoir. Oh, quel travail ! La laveuse à genoux qui bat le linge sur la pierre. Pauvre sœur, prenez patience, je vous délivrerai. Ce qui me désole, c'est que je ne trouve personne pour continuer ma mission. C'est trop difficile. Mais je ne peux pas, moi seule, parler à toute la France. Il y a bien cette petite Éléonore. Ah, elle est là-bas. Ah, madame, on est par là pour parler. Et votre travail ? Je resterai cette nuit. Il y a moins de monde et il fait moins chaud. Bon. Alors moi, Madame Tristan, je veux servir la cause. Avant tout, il faut lire les livres que je vous ai donnés. Vous avez commencé ? J'ai pas eu une heure de libre. Éléonore, c'est essentiel de connaître sur le bout des doigts l'histoire de notre glorieuse révolution de 1789 et le socialisme. Prenez des notes sur un petit cahier et envoyez-moi un résumé. Comme ça, vous me direz si le travail est bien fait. Voilà. Et prenez l'habitude de vous demander le pourquoi de tout. De tout ? Tout ? Même du bonheur ? Oui. Demandez-moi autant de pourquoi que vous voulez. Et quand vous serez prête, vous vous élancerez de votre petite blanchisserie pour servir l'humanité. Si mon mari me laisse faire... Il y en a qui lui disent qu'une femme ne se mêle pas de politique. Il ne voit pas que votre vie est grandiose. Moi, je le vois. Éléonore, écoutez-moi. Dites-vous bien qu'une fille du peuple, si elle a pu lire et réfléchir, ce qu'elle a de mieux à faire, c'est d'aider à l'émancipation de ses frères et sœurs. C'est son devoir. Vous comprenez ? Un peu. Oh là là, je voudrais parler comme vous, avec tous les bons mots. C'est quoi la cause de votre belle intelligence ? L'amour. C'est ce qui fait penser. Et la pensée fait agir. Oh, moi, Madame Tristan, je veux vivre votre vie. Quand je vous vois faire avec tellement de calme et d'amour, je me dis que c'est Dieu en vous. Dieu en nous, c'est s'aimer en humanité, Éléonore. Une société mauvaise, on la change pour le bien de tous et de toutes. Les salaires des femmes sont de 20 sous inférieurs à ceux des hommes. Oh, mais ici, personne n'est résigné. À Lyon, on pense comme les canuts. Vivre libre en travaillant ou tomber en combattant. On préfère mourir d'une balle que de faim. À ce propos, on est tout chose de se dire que vous partez demain. J'ai promis à ma fille de prendre un peu de repos quand je serai à Montpellier. Elle s'appelle comment, votre fille ? Aline. Oh, elle n'est pas comme vous, elle ne croit pas à mes idées. Comptez donc sur les enfants pour vous faire des disciples. Quelle folie ! Dans l'épicerie ou la boulangerie, oui, mais dans l'ordre intellectuel... Oh, après votre tour de France, vous allez la retrouver. Après, bon, je tâcherai de trouver quelqu'un qui me plaise et l'on ira chercher ma fille pour partir en Italie. Mais je n'y pense pas. Le plus important, c'est que tu continues ce que j'ai commencé, Éléonore. Réalise l'union ouvrière. Oh, je remercie Dieu qui t'a mis sur mon chemin, petite sœur en humanité. Flora Tristan, cousine de Marx et grand-mère du MLF, de Christine Spianti, avec Flora Tristan, Julie Pilot, André Chazal, François Hatt, Victor Considérant, Romain Cotard, Louis Evra, Adrien Melin, Éléonore Blanc, Kenza Lala. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son montage et mixage Pierre-Henri et Dauphard Guéride, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Cédric Ossir. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Dans un instant, on continue de parler de Flora Tristan avec mon invitée Brigitte Krulik. What would my father? Fruit d'Oliver Sim sur Inter, autant n'emporte l'histoire, réalisation Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Benjamin Troncin. Brigitte Krulik, nous avons quitté Flora Tristan en juillet 1844, elle n'a plus que quelques mois à vivre, elle meurt à 41 ans à Bordeaux le 14 novembre 1844. De quoi est-elle morte? Alors, elle, on n'a pas évidemment de rapport médical circonstancié pour des raisons évidentes. On a parlé, enfin les témoins ont parlé de congestion cérébrale, ce qui veut tout dire et rien dire. On peut imaginer qu'elle est morte d'épuisement parce qu'on a des éléments, aussi bien sa correspondance que ce, le journal qu'elle tient de son tour de France, qui font état de malaise, de différents phénomènes, fatigue, épuisement, peut-être les séquelles de sa blessure. Bon, c'est très très difficile de trancher, mais elle est allée jusqu'au bout de ses forces. Oui, et ça, je crois que voilà, oui. On peut le dire, elle ne s'est pas ménagée au sens le plus fort du terme, et donc on peut considérer qu'elle est morte à la tâche. Quelle vie, quelle œuvre foisonnante, hein, passionnante et moderne aussi. C'est cette combativité qui est étonnante. D'abord un combat personnel pour échapper à son mari, à sa condition, pour elle-même et pour sa fille. Cette indépendance financière, elle est consciente que c'est nécessaire pour être libre, enfin pour être autonome. C'est un peu ce que dira bien plus tard Gisèle Halimi, mais voilà, il faut avoir une indépendance financière pour pouvoir agir et être libre. Tout à fait. Alors, elle le dit effectivement ainsi. Alors, pour elle, ça a été une nécessité impérieuse, puisque enceinte donc de son troisième enfant, très très jeune encore, elle est partie, elle a quitté Chazal donc pour échapper à ce mariage calamiteux. Donc, elle n'avait pas d'autre solution que d'assurer le pain quotidien, le sien et celui de ses enfants. Et alors, pour elle, cette revendication donc de l'indépendance des femmes, donc qui se nourrit d'une expérience personnelle, elle l'a conduit à revendiquer pour les femmes le droit à une formation, alors d'abord une éducation, une instruction au sens classique du terme, mais surtout peut-être une formation professionnelle qui permette aux femmes d'assurer leur subsistance et celle de leurs enfants. Et donc, pour ça, c'est vraiment que ça c'est un point qu'elle va développer comme, un certain nombre, enfin, une petite minorité de femmes comme par exemple Anna Wheeler, donc ou Mary Wollstonecraft, qui avait elle aussi revendiqué pour les femmes donc le droit à la formation. C'est étonnant d'ailleurs parce que vous reproduisez dans votre livre, Brigitte Krulik, des lettres qu'elle écrit quand elle est très jeune à son mari. C'est des lettres truffées de fautes d'orthographe, et pourtant elle va apprendre, elle va s'éduquer, c'est une autodidacte, et elle va écrire des livres, va publier des articles. C'est quand même incroyable cette trajectoire. Oui, alors effectivement, on peut supposer que, oui, autodidacte, parce qu'on n'a pas d'éléments qui nous permettent de supposer qu'elle a fréquenté telle ou telle école. Très probablement, elle n'a certainement pas été au couvent, comme c'était, bon, comme Georges Sand ira au couvent, Marie Dagout. Donc Flora Tristan, manifestement, n'a pas été au couvent parce que sa mère aurait été très probablement incapable donc de le financer. Donc elle s'est formée sur le tas. Elle a manifestement toujours beaucoup lu dès l'adolescence. Donc on retrouve même dans les lettres dont vous parlez donc quand même une familiarité avec les textes littéraires. Il y a quelque chose en elle qui est absolument étonnant, c'est cette capacité à assumer ses propres lacunes et la volonté de les combler en n'hésitant pas à poser des questions. Alors on l'a vu d'ailleurs dans cette fiction qui est très très bien faite, on l'a vu qui interpelle Victor Considérant, qui lui dit il n'est pas normal qu'on soit obligé d'étudier l'astronomie. Les mathématiques, elle a un certain sens pratique, un sens concret. Ah oui, elle, oui, oui. Elle défend l'idée qu'il faut agir aussi en politique. Ah, tout à fait. Alors, elle est tout sauf songe-creux. Elle considère que il y a effectivement ce qu'elle appelle l'idée, c'est-à-dire l'idée donc de la nécessité donc d'émanciper le genre humain. Donc, ce qui implique bien sûr d'émanciper les femmes. La classe ouvrière est composée d'hommes et de femmes, ouvriers et ouvrières, dit-elle. Mais elle a aussi l'idée qu'il faut concrétiser donc cette idée, cet engagement, en créant, comme c'est rappelé dans la fiction, ce qu'elle appelle les palais de l'Union ouvrière, qui sont, des dispensaires, des écoles, enfin tout un système qui préfigure ce qu'on appellera bien après l'État-providence. En quoi sa pensée politique, la pensée politique de Flora Tristan à l'égard des femmes et aussi du prolétariat, est-elle neuve et originale par rapport aux penseurs de son époque ? Alors, elle a puisé dans les écrits, voilà, de Owen, Saint-Simon, Fourier, bien entendu. Mais elle refuse, elle a toujours refusé de s'inféoder à une école. On entend dans la fiction l'expression de être à part. Elle revendiquait être un être à part, son originalité. Elle affirmait son originalité propre. Alors, je dirais que peut-être le point le plus saillant de son œuvre, je pense que c'est cette articulation qu'elle fait entre l'émancipation de la classe ouvrière et l'émancipation des femmes. Pour elle, il n'y aura pas d'accomplissement des promesses de 1789 si on laisse les femmes de côté. Et l'émancipation englobera les deux sexes, l'ensemble de l'humanité, ou ne sera pas. Quelle sera la postérité du message de Flora Tristan, sa pensée féministe et politique ? Est-ce qu'elle va influencer les socialistes français du 19e siècle qui vont lui succéder ? Alors, elle a subi une longue éclipse. D'abord, elle est morte jeune. Et donc, elle est morte avant la révolution de 1848, qui sans doute lui aurait permis d'acquérir une audience plus large. Alors, Flora Tristan a quand même inspiré des conflits sociaux, dont la grande grève de l'arsenal de Toulon, étudiée par Maurice Agulon, un an après son passage. Donc, elle a quand même eu une influence concrète, mais il faut reconnaître qu'elle a subi une éclipse longue. Je dirais que son influence sur les socialistes français a été quand même faible, pour toutes sortes de raisons. Première raison, les socialistes français et les syndicalistes donc de la fin du siècle. Il faut rappeler que les syndicats n'existent pas en tant que tels, et encore pour plusieurs décennies, étaient influencés par Proudhon, qui était un misogyne patenté. Donc c'est une raison importante. Il faudra attendre 68, le féminisme années-là, alors, pour qu'elle soit redécouverte. Malgré certaines tentatives d'ailleurs très intéressante dans les années 1920-1930 pour réévaluer l'apport de Flora Tristan, qui est quand même une pionnière du syndicalisme. Ça, je crois qu'on peut s'accorder là-dessus sans aucun problème. Mais c'est effectivement les années 1960-1970 qui conduisent à une sorte de renaissance, renaissance donc de Flora Tristan, avec des publications. Et il faudrait dire aussi en Amérique latine, notamment au Pérou, où elle devient une figure qui joue un rôle effectivement important dans les milieux progressistes au Pérou, et plus généralement en Amérique latine. Merci beaucoup, Brigitte Krulik, de nous avoir révéler ce personnage passionnant. Je recommande la lecture de votre biographie intitulée tout simplement Flora Tristan, parue en 2022 chez Gallimard. À lire également sur une contemporaine de Flora Tristan, Eugénie Niboyet, La voix des femmes, de Jacqueline Guinaud et Marie-Ève Le Forestier, aux éditions Hémisphère, et L'indémodable des femmes rebelles de Michel Perrault, dont un chapitre est consacré à Flora Tristan, publié chez Elisade. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la réécouter, la podcaster sur le site radiofrance.fr. Vos commentaires, comme toujours, sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook d'Autant en emporte l'histoire. Samedi prochain, nous partirons à Hollywood en 1936 chez David Selznick, le futur producteur d'Autant en emporte le vent, le film qui raflera 8 Oscars. Mais pour l'heure, David Selznick s'arrache les cheveux à trouver l'actrice qui interprétera Scarlett O'Hara. Et alors que les actrices se battent pour obtenir le rôle, ce n'est que 3 ans plus tard, alors que le tournage a déjà commencé, qu'il découvrira la perle rare, Vivien Leigh. Scarlett O'Hara, un personnage en quête d'actrice, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter.